Section 7. Quatrième partie. Livre deuxième. Suite. Lucerne, 20, 21 et 22 août 1832. J'ai quitté Lugano sans y coucher. J'ai repassé le Saint-Gothard. J'ai revu ce que j'avais vu. Je n'ai rien trouvé à rectifier à mon esquisse. À Altorf, tout était changé depuis 24 heures. Plus d'orage, plus d'apparitions dans ma chambre solitaire. Je suis venu passer la nuit à l'auberge de Fluellen, ayant parcouru deux fois la route dont les extrémités aboutissent à deux lacs et sont tenues par deux peuples liés d'un même nœud politique, séparés sous tous les autres rapports. J'ai traversé le lac de Lucerne. Il avait perdu à mes yeux une partie de son mérite. Il est au lac de Lugano ce que sont les ruines de Rome aux ruines d'Athènes, les champs de la Sicile aux jardins d'Armide. Au surplus, j'ai beau me battre les flancs pour arriver à l'exaltation alpine des écrivains de montagne, j'y perds ma peine. Au physique, cet air vierge et balsamique qui doit ranimer mes forces, raréfier mon sang, désenfumer ma tête fatiguée, me donner une faim insatiable, un repos sans rêve, ne produit point pour moi ses effets. Je ne respire pas mieux, mon sang ne circule pas plus vite, ma tête n'est pas moins lourde au ciel des Alpes qu'à Paris. J'ai autant d'appétit aux Champs-Élysées qu'aux montants verts. Je dors aussi bien rue Saint-Dominique qu'au mont Saint-Gothard. Et si j'ai des songes dans la délicieuse plaine de Montrouge, c'est qu'il en faut au sommeil. Au moral, en vain, j'escalade les rocs. Mon esprit n'en devient pas plus élevé, mon âme plus pure. J'emporte les soucis de la terre et le fait des turpitudes humaines. Le calme de la région sublunaire d'une marmotte ne se communique point à mes sens éveillés. Misérable que je suis, à travers les brouillards qui roulent à mes pieds, j'aperçois toujours la figure épanouie du monde. 1000 toises gravies dans l'espace ne changent rien à ma vue du ciel. Dieu ne paraît pas plus grand du sommet de la montagne que du fond de la vallée. Si pour devenir un homme robuste, un saint, un génie supérieur, il ne s'agissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de malades, de mécréants et d'imbéciles ne se donnent-ils pas la peine de grimper au Saint-Plon? Il faut certes qu'ils soient bien obstinés à leurs infirmités. Le paysage n'est créé que par le soleil. C'est la lumière qui fait le paysage. Une grève de Carthage, une bruyère de la rive de Sorrente, une lisière de canne desséchée dans la campagne romaine sont plus magnifiques, éclairées des feux du couchant ou de l'aurore, que toutes les Alpes de ce côté-ci des Gaules. De ces trous surnommés vallées, où l'on ne voit goutte en plein midi, de ces hauts paravents à l'ancre appelés montagnes, de ces torrents salis qui beuglent avec les vaches de leurs bords, de ces faces violâtres, de ces cous goitreux, de ces ventres hydropiques, foin. Si les montagnes de nos climats peuvent justifier les éloges de leurs admirateurs, ce n'est que quand elles sont enveloppées dans la nuit, dont elles épaississent le chaos. Leurs angles, leurs ressauts, leurs grandes lignes, leurs immenses ombres portées augmentent d'effet à la clarté de la lune. Les astres les découpent et les gravent dans le ciel en pyramides, en cônes, en obélisques, en architecture d'albâtre, tantôt jetant sur elles un voile de gaz et les harmoniant par des nuances indéterminées, légèrement lavées de bleu, tantôt les sculptant une à une et les séparant par des traits d'une grande correction. Chaque vallée, chaque réduit avec ses lacs, ces rochers, ces forêts, devient un temple de silence et de solitude. En hiver, les montagnes nous présentent l'image des zones polaires. En automne, sous un ciel pluvieux, dans leurs différentes nuances de ténèbres, elles ressemblent à des lithographies grises, noires, bistrées. La tempête aussi leur va bien, de même que les vapeurs, demi-brouillards, demi-nuages, qui roulent à leurs pieds ou se suspendent à leurs flancs. Mais les montagnes ne sont-elles pas favorables aux méditations, à l'indépendance, à la poésie? De belles et profondes solitudes mêlées de mer ne reçoivent-elles rien de l'âme, n'ajoutent-elles rien à ses voluptés? Une sublime nature ne rend-elle pas plus susceptible de passion, et la passion ne fait-elle pas mieux comprendre une nature sublime? Un amour intime ne s'augmente-t-il pas de l'amour vague, de toutes les beautés des sens, et de l'intelligence qui l'environne, comme des principes semblables s'attirent et se confondent? Le sentiment de l'infini, entrant par un immense spectacle dans un sentiment borné, ne l'accroît-il pas, ne l'étend-il pas jusqu'aux limites où commence une éternité de vie? Je reconnais tout cela, mais entendons-nous bien, ce ne sont pas les montagnes qui existent telles qu'on les croit voir alors. Ce sont les montagnes comme les passions, le talent et la muse en ont tracé les lignes, colorié les ciels, les neiges, les pitons, les déclivités, les cascades irisées, l'atmosphère floue, les ombres tendres et légères. Le paysage est sur la palette de Claude Lelorrain, non sur le Campo Vaccino. Faites-moi aimer, et vous verrez qu'un pommier isolé, battu du vent, jeté de travers au milieu des froments de la Beauce, une fleur de sagette dans un marais, un petit cours d'eau dans un chemin, une mousse, une fougère, une capillaire sur le flanc d'une roche, un ciel humide, enfumé, une mésange dans le jardin d'un presbytère, une hirondelle volant bas par un jour de pluie, sous le chaume d'une grange ou le long d'un cloître, une chauve-souris même remplaçant l'hirondelle autour d'un clocher champêtre, tremblotant sur ses ailes de gaz dans les dernières lueurs du crépuscule. Toutes ces petites choses, rattachées à quelques souvenirs, s'enchanteront des mystères de mon bonheur ou de la tristesse de mes regrets. En définitive, c'est la jeunesse de la vie. Ce sont les personnes qui font les beaux sites. Les glaces de la baie de Baftin peuvent être riantes avec une société selon le cœur, les bords de l'Ohio ou du Gange lamentables en l'absence de toute affection. Un poète a dit « La patrie est au lieu où l'âme est enchaînée. Il en est de même de la beauté. » En voilà trop à propos de montagnes. Je les aime comme grande solitude. Je les aime comme cadre, bordure et lointain d'un beau tableau. Je les aime comme rempart et asile de la liberté. Je les aime comme ajoutant quelque chose de l'infini aux passions de l'âme. Équitablement et raisonnablement, voilà tout le bien qu'on peut en dire. Si je ne dois pas me fixer au revers des Alpes, ma course au Saint-Gothard restera un fait sans liaison. Une vue d'optique, isolée au milieu des tableaux de mes mémoires. J'éteindrai la lampe et Lugano rentrera dans la nuit. À peine arrivé à Lucerne, j'ai vite couru de nouveau à la cathédrale, à la Hauptkirche, bâtie sur l'emplacement d'une chapelle dédiée à Saint-Nicolas, patron des mariniers. Cette chapelle primitive servait aussi de phare, car, pendant la nuit, on la voyait éclairée d'une manière surnaturelle. Ce furent des missionnaires irlandais qui prêchèrent l'évangile dans la contrée presque déserte de Lucerne. Ils y apportèrent la liberté dont n'a pas joui leur malheureuse patrie. Lorsque je suis revenu à la cathédrale, un homme creusait une fosse. Dans l'église, on achevait un service autour d'un cercueil et une jeune femme faisait bénir à un autel un bonnet d'enfant. Elle l'a mis, avec une expression visible de joie, dans un panier qu'elle portait à son bras et s'en est allée chargée de son trésor. Le lendemain, j'ai trouvé la fosse du cimetière refermée, un vase d'eau bénite posé sur la terre fraîche et du fenouil semé pour les petits oiseaux. Ils étaient déjà seuls, auprès de ce mort d'une nuit. J'ai fait quelques courses autour de Lucerne parmi de magnifiques bois de pin. Les abeilles, dont les ruches sont placées au-dessus des portes des fermes, à l'abri des toits prolongés, habitent avec les paysans. J'ai vu la fameuse Clara Wendel aller à la messe derrière ses compagnes de captivité, dans son uniforme de prisonnière. Elle est fort commune, je lui ai trouvé l'air de toutes ces brutes de France présentes à tant de meurtres, sans pour cela être plus distinguée qu'une bête féroce, malgré ce que veut leur prêter la théorie du crime et de l'admiration des égorgements. Un simple chasseur, armé d'une carabine, conduit ici les galériens aux travaux de la journée et les ramène à leur prison. J'ai poussé ce soir ma promenade le long de la Reuss, jusqu'à une chapelle bâtie sur le chemin. On y monte par un petit portique italien. De ce portique, je voyais un prêtre priant seul à genoux dans l'intérieur de l'oratoire, tandis que j'apercevais, au haut des montagnes, les dernières lueurs du soleil couchant. En revenant à Lucerne, j'ai entendu dans les cabanes des femmes réciter le chapelet. La voix des enfants répondait à l'adoration maternelle. Je me suis arrêté, j'ai écouté au travers des entrelacs de vignes ces paroles adressées à Dieu du fond d'une chaumière. La belle, jeune, élégante jeune fille qui me sert à l'aigle d'or dit aussi très régulièrement son angélus en fermant les rideaux des croisées de ma chambre. Je lui donne en rentrant quelques fleurs que j'ai cueillies. Elle me dit en rougissant et se frappant doucement le sein avec sa main « Permets !» Je lui réponds « Pour vous !» Notre conversation finit là. Lucerne, 26 août 1832. Madame de Chateaubriand n'est point encore arrivée. Je vais faire une course à Constance. Voici Monsieur A. Dumas. Je l'avais déjà aperçu chez David, tandis qu'il se faisait mouler chez le grand sculpteur. Madame de Colbert, avec sa fille Madame de Brancas, traverse aussi Lucerne. C'est chez Madame de Colbert, en Beauce, que j'écrivis, il y a près de 20 ans, dans ses mémoires, l'histoire de ma jeunesse à Combourg. Les lieux semblent voyager avec moi, aussi mobiles, aussi fugitifs que ma vie. Le courrier de la Malle m'apporte une très belle lettre de M. de Béranger en réponse à celle que je lui avais écrite, en partant de Paris. Cette lettre a déjà été imprimée en notes avec une lettre de M. Carrel dans le congrès de Vérone. Genève, septembre 1832. En allant de Lucerne à Constance, on passe par Zurich et Winterthur. Rien ne m'a plu à Zurich, hors le souvenir de Lavater et de Gessner, les arbres d'une esplanade qui domine les lacs, le cours de la Limmate, un vieux corbeau et un vieil orme. J'aime mieux cela que tout le passé historique de Zurich, n'en déplaise même à la bataille de Zurich. Napoléon et ses capitaines, de victoires en victoires, ont amené les Russes à Paris. Winterthur est une bourgade neuve et industrielle, ou plutôt une longue rue propre. Constance a l'air de n'appartenir à personne. Elle est ouverte à tout le monde. J'y suis entré le 27 août sans avoir vu un douanier ou un soldat et sans qu'on m'ait demandé mon passeport. Madame Récamier était arrivée depuis 3 jours pour faire une visite à la reine de Hollande. J'attendais Madame de Chateaubriand venant me rejoindre à Lucerne. Je me proposais d'examiner s'il ne serait pas préférable de se fixer d'abord en Souabe, sauf à descendre ensuite en Italie. Dans la ville délabrée de Constance, notre auberge était fort gaie. On y faisait les apprêts d'une noce. Le lendemain de mon arrivée, Madame Récamier voulut se mettre à l'abri de la joie de nos hôtes. Nous nous embarquâmes sur le lac, et traversant la nappe d'eau d'où sort le Rhin pour devenir fleuve, nous abordâmes à la grève d'un parc. Ayant mis pied à terre, nous franchîmes une haie de saules, de l'autre côté de laquelle nous trouvâmes une allée sablée, circulant parmi des bosquets d'arbustes, des groupes d'arbres et des tapis de gazon. Un pavillon s'élevait au milieu des jardins, une élégante villa s'appuyait contre une futaie. Je remarquai dans l'herbe des veilleuses, toujours mélancoliques pour moi à cause des réminiscences de mes divers et nombreux automnes. Nous nous promenâmes au hasard, et puis nous nous assîmes sur un banc au bord de l'eau. Du pavillon des bocages s'élevèrent des harmonies de harpe et de cor qui se turent lorsque, charmés et surpris, nous commencions à les écouter. C'était une scène d'un conte de fées. Les harmonies ne renaissant pas, je lus à Madame Récamier ma description du Saint-Gothard. Elle me pria d'écrire quelque chose sur ses tablettes, déjà à demi remplies des détails de la mort de Jean-Jacques Rousseau. Au-dessous de ces dernières paroles de l'auteur d'Héloïse, « Ma femme, ouvrez la fenêtre, que je vois encore le soleil. » Je traçais ces mots au crayon. Ce que je voulais sur le lac de Lucerne, je l'ai trouvé sur le lac de Constance, le charme et l'intelligence de la beauté. Je ne veux point mourir comme Rousseau, je veux encore voir longtemps le soleil, si c'est près de vous que je dois achever ma vie, que mes jours expirent à vos pieds comme ces vagues dont vous aimez le murmure. 28 août 1832. L'azur du lac veillait derrière les feuillages, à l'horizon du midi s'amoncelaient les sommets de l'Alpe des Grisons, une brise passant et se retirant à travers les saules, s'accordait avec l'aller et le venir de la vague, nous ne voyions personne, nous ne savions où nous étions. En rentrant à Constance, nous avons aperçu Madame la Duchesse de Saint-Leu et son fils, Louis-Napoléon. Il venait au-devant de Madame Récamier. Sous l'Empire, je n'avais point connu la reine de Hollande. Je savais qu'elle s'était montrée généreuse lors de ma démission à la mort du duc d'Enghien et quand je voulus sauver mon cousin Armand. Sous la Restauration, ambassadeur à Rome, je n'avais eu, avec Madame la Duchesse de Saint-Leu, que des rapports de politesse. Ne pouvant aller moi-même chez elle, j'avais laissé libre les secrétaires et les attachés de lui faire leur cour, et j'avais invité le cardinal Fesch à un dîner diplomatique de cardinaux. Depuis la dernière chute de la Restauration, le hasard m'avait fait échanger quelques lettres avec la reine Hortense et le prince Louis. Ces lettres sont un assez singulier monument des grandeurs évanouies. Les voici. Madame de Saint-Leu, après avoir lu la dernière lettre de M. de Chateaubriand. Arenenberg, ce 15 octobre 1831. Monsieur de Chateaubriand a trop de génie pour n'avoir pas compris toute l'étendue de celui de l'empereur Napoléon. Mais, à son imagination si brillante, il fallait plus que l'admiration. Des souvenirs de jeunesse, une illustre fortune, attirèrent son cœur. Il y dévoua sa personne et son talent, et comme le poète qui prête à tout le sentiment qui l'anime, il revêtit ce qu'il aimait des traits qui devaient enflammer son enthousiasme. L'ingratitude ne le découragea pas, car le malheur était toujours là qui en appelait à lui. Cependant, son esprit, sa raison, ses sentiments vraiment français en font malgré lui l'antagoniste de son parti. Il n'aime des anciens temps que l'honneur qui rend fidèle, et la religion qui rend sage, la gloire de sa patrie qui en fait la force, la liberté des consciences et des opinions qui donne un noble essor aux facultés de l'homme, l'aristocratie du mérite qui ouvre une carrière à toutes les intelligences, voilà son domaine plus qu'à tout autre. Il est donc libéral, napoléoniste et même républicain plutôt que royaliste. Aussi la Nouvelle-France, ses nouvelles illustrations seraient l'apprécier, tandis qu'il ne sera jamais compris de ceux qu'il a placés dans son cœur, si près de la divinité. Et s'il n'a plus qu'à chanter le malheur, fût-il le plus intéressant, les hautes infortunes sont devenues si communes dans notre siècle que sa brillante imagination, sans but et sans mobile réel, s'éteindra faute d'aliments assez élevés pour inspirer son beau talent. Hortense. Après avoir lu une note signée Hortense, M. de Chateaubriand est extrêmement flatté et on ne peut plus reconnaissant des sentiments de bienveillance exprimés avec tant de grâce dans la première partie de la note. Dans la seconde se trouve cachée une séduction de femme et de reine qui pourrait entraîner un amour-propre moins détrompé que celui de M. de Chateaubriand. Il y a certainement aujourd'hui de quoi choisir une occasion d'infidélité entre de si hautes et de si nombreuses infortunes. Mais, à l'âge où M. de Chateaubriand est parvenu, des revers qui ne comptent que peu d'années dédaigneraient ses hommages. Force lui est de rester attaché à son vieux malheur, tout tenté qu'il pourrait être par de plus jeunes adversités. Chateaubriand, Paris, ce 6 novembre 1831. Arenenberg, le 4 mai 1832. Monsieur le Vicomte, je viens de lire votre dernière brochure. Que les Bourbons sont heureux d'avoir pour soutien un génie tel que le vôtre. Vous relevez une cause avec les mêmes armes qui ont servi à l'abattre. Vous trouvez des paroles qui font vibrer tous les cœurs français. Tout ce qui est national trouve de l'écho dans votre âme. Ainsi, quand vous parlez du grand homme qui illustra la France pendant 20 ans, la hauteur du sujet vous inspire, votre génie l'embrasse tout entier, et votre âme alors, s'épanchant naturellement, entoure la plus grande gloire des plus grandes pensées. Moi aussi, monsieur le vicomte, je m'enthousiasme pour tout ce qui fait l'honneur de mon pays. C'est pourquoi, me laissant aller à mon impulsion, j'ose vous témoigner la sympathie que j'éprouve pour celui qui montre tant de patriotisme et tant d'amour de la liberté. Mais permettez-moi de vous le dire, vous êtes le seul défenseur redoutable de la vieille royauté. Vous la rendriez nationale si l'on pouvait croire qu'elle pensât comme vous. Ainsi, pour la faire valoir, il ne suffit pas de vous déclarer de son parti, mais bien de prouver qu'elle est du vôtre. Cependant, monsieur le vicomte, si nous différons d'opinion, au moins sommes-nous d'accord dans les souhaits que nous formons pour le bonheur de la France. Agréez, je vous prie, etc., etc., Louis-Napoléon Bonaparte. Paris, 19 mai 1832. Monsieur le comte, on est toujours mal à l'aise pour répondre à des éloges. Quand celui qui les donne avec autant d'esprit que de convenance, et de plus dans une condition sociale à laquelle se rattachent des souvenirs hors de pair, l'embarras redouble. Du moins, monsieur, nous nous rencontrons dans une sympathie commune. Vous voulez, avec votre jeunesse, comme moi, avec mes vieux jours, l'honneur de la France. Il ne manquait plus à l'un et à l'autre, pour mourir de confusion ou de rire, que de voir le juste milieu bloqué dans un cône par les soldats du pape. Ah, monsieur, où est votre oncle? À d'autres que vous, je dirais, où est le tuteur des rois et le maître de l'Europe? En défendant la cause de la légitimité, je ne me fais aucune illusion. Mais je pense que tout homme qui tient à l'estime publique doit rester fidèle à ses serments. Lord Falkland, ami de la liberté et ennemi de la cour, se fit tuer à Newbury dans l'armée de Charles Ier. Vous vivrez, monsieur le comte, pour voir votre patrie libre et heureuse. Vous traversez des ruines parmi lesquelles je resterai, puisque je fais moi-même partie de ces ruines. Je m'étais flatté un moment de l'espoir de mettre cet été l'hommage de mon respect aux pieds de madame la duchesse de Saint-Leu. La fortune, accoutumée à déjouer mes projets, m'a encore trompé cette fois. J'aurais été heureux de vous remercier de vive voix de votre obligeante lettre. Nous aurions parlé d'une grande gloire et de l'avenir de la France, deux choses, monsieur le comte, qui vous touchent de près. Chateaubriand. Les Bourbons m'ont-ils jamais écrit des lettres pareilles à celles que je viens de produire? Se sont-ils jamais doutés que je m'élevais au-dessus de tel faiseur de verre ou de telle politique de feuilleton? Lorsque petit garçon j'errais compagnon des pâtres sur les bruyères de Combourg, aurais-je pu croire qu'un temps viendrait où je marcherais entre les deux plus hautes puissances de la terre? Puissances abattues, donnant le bras d'un côté à la famille de Saint-Louis, de l'autre à celle de Napoléon. Grandeurs ennemies qui s'appuient également, dans l'infortune qui les rapproche, sur l'homme faible et fidèle, sur l'homme dédaigné de la légitimité. Madame Récamier alla s'établir à Wolfsberg, château habité par M. Parquin, dans le voisinage d'Arenenberg, séjour de madame la duchesse de Saint-Leu. Je restai deux jours à Constance, je vis tout ce qu'on pouvait voir, la halle où est le grenier public que l'on baptise salle du concile, la prétendue statue de Huss, la place où Jérôme de Prague et Jean Huss furent, dit-on, brûlés, enfin, toutes les abominations ordinaires de l'histoire et de la société. Le Rhin, en sortant du lac, s'annonce bien comme un roi. Pourtant, il n'a pu défendre Constance qui a, si je ne me trompe, été saccagée par Attila, assiégée par les Hongrois, les Suédois et prise deux fois par les Français. Constance est le Saint-Germain de l'Allemagne. Les vieilles gens de la vieille société s'y sont retirés. Quand je frappais à une porte m'enquérant d'un appartement pour madame de Chateaubriand, je rencontrais quelques chanoinesses, filles majeures, quelques princes de race antique, électeurs à demi-solde, ce qui allait fort bien avec les clochers abandonnés et les couvents déserts de la ville. L'armée de Condé a combattu glorieusement sous les murs de Constance et semble avoir déposé son ambulance dans cette ville. J'eus le malheur de retrouver un vétéran émigré. Il me faisait l'honneur de m'avoir connu autrefois. Il avait plus de jours que de cheveux. Ses paroles ne finissaient point. Il ne pouvait se retenir et laissait aller ses années. Le 29 d'août, j'allai dîner à Arenenberg. Arenenberg est située sur une espèce de promontoire dans une chaîne de collines escarpées. La reine de Hollande, que l'épée avait faite et que l'épée a défaite, a bâti le château ou, si l'on veut, le pavillon d'Arenenberg. On y jouit d'une vue étendue mais triste. Cette vue domine le lac inférieur de Constance, qui n'est qu'une expansion du Rhin sur des prairies noyées. De l'autre côté du lac, on aperçoit des bois sombres, restes de la forêt noire, quelques oiseaux blancs voltigeant sous un ciel gris et poussés par un vent glacé. Là, après avoir été assis sur un trône, après avoir été outrageusement calomnié, la reine Hortense est venue se percher sur un rocher. En bas est l'île du lac, où l'on a, dit-on, retrouvé la tombe de Charles le Gros, et où meurent à présent des serins qui demandent en vain le soleil des Canaries. Madame la duchesse de Saint-Leu était mieux à Rome. Elle n'est pas cependant descendue par rapport à sa naissance et à sa première vie. Au contraire, elle a monté. Son abaissement n'est que relatif à un accident de sa fortune. Ce ne sont pas là de ces chutes comme celle de madame la dauphine, tombée de toute la hauteur des siècles. Les compagnons et les compagnes de madame la duchesse de Saint-Leu étaient son fils, madame Salvage, madame. En étranger, il y avait madame Récamier, monsieur Vieillard et moi. Madame la duchesse de Saint-Leu se tirait fort bien de sa difficile position de reine et de demoiselle de Beauharnais. Après le dîner, madame de Saint-Leu s'est mise à son piano avec monsieur Cottereau, grand jeune peintre à moustache, à chapeau de paille, à blouse, au col de chemise rabattu, au costume bizarre. Il chassait, il peignait, il chantait, il riait, spirituel et bruyant. Le prince Louis habite un pavillon à part, où j'ai vu des armes, des cartes topographiques et stratégiques, industrie qui faisait, comme par hasard, penser au sang du conquérant sans le nommer. Le prince Louis est un jeune homme studieux, instruit, plein d'honneur et naturellement grave. Madame la duchesse de Saint-Leu m'a lu quelques fragments de ses mémoires. Elle m'a montré un cabinet rempli de dépouilles de Napoléon. Je me suis demandé pourquoi ce vestiaire me laissait froid. Pourquoi ce petit chapeau, cette ceinture, cet uniforme porté à telle bataille me trouvait si indifférent. J'étais bien plus troublé en racontant la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. La raison en est que Napoléon est notre contemporain. Nous l'avons tous vu et connu, il vit dans notre souvenir, mais le héros est encore trop près de sa gloire. Dans 1000 ans, ce sera autre chose. Il n'y a que les siècles qui aient donné le parfum de l'ambre à la sueur d'Alexandre. Attendons. D'un conquérant, il ne faut montrer que l'épée. Retourné à Wolfsberg avec Madame Récamier, je partis la nuit. Le temps était obscur et pluvieux, le vent soufflait dans les arbres et la hulotte lamentait. Vraie scène de Germanie. Madame de Chateaubriand arriva bientôt à Lucerne. L'humidité de la ville l'effraya et Lugano étant trop cher, nous nous décidâmes à venir à Genève. Nous prîmes notre route par Sempach. Le lac garde la mémoire d'une bataille qui assura l'affranchissement des Suisses à une époque où les nations de ce côté-ci des Alpes avaient perdu leur liberté. Au-delà de Sempach, nous passâmes devant l'abbaye de Saint-Urbain, tombant comme tous les monuments du christianisme. Elle est située dans un lieu triste, à l'orée d'une bruyère qui conduit à des bois. Si j'eusse été libre et seul, j'aurais demandé aux moines quelques trous dans leurs murailles pour y achever mes mémoires auprès d'une chouette. Puis, je serais allé finir mes jours sans rien faire sous le beau soleil fainéant de Naples ou de Palerme. Mais les beaux pays et le printemps sont devenus des injures, des désastres et des regrets. En arrivant à Berne, on nous apprit qu'il y avait une grande révolution dans la ville. J'avais beau regarder, les rues étaient désertes, le silence régnait, la terrible révolution s'accomplissait sans parler, à la paisible fumée d'une pipe au fond de quelque estaminet. Madame Récamier ne tarda pas à nous rejoindre à Genève. Genève, fin de septembre 1832. J'ai commencé à me remettre sérieusement au travail. J'écris le matin et je me promène le soir. Je suis allé hier visiter Coppée. Le château était fermé, on m'en a ouvert les portes. J'ai erré dans les appartements déserts. Ma compagne de pèlerinage a reconnu tous les lieux où elle croyait voir encore son amie, ou assise à son piano, ou entrant, ou sortant, ou causant sur la terrasse qui borde la galerie. Madame Récamier a revu la chambre qu'elle avait habitée. Des jours écoulés ont remonté devant elle. C'était comme une répétition de la scène que j'ai peinte dans René. Je parcourus les appartements sonores où l'on n'entendait que le bruit de mes pas. Partout les salles étaient détendues et l'araignée filait sa toile dans les couches abandonnées. Qu'ils sont doux, mais qu'ils sont rapides les moments que les frères et les sœurs passent dans leurs jeunes années, réunis sous l'aile de leurs vieux parents. La famille de l'homme n'est que d'un jour. Le souffle de Dieu la disperse comme une fumée. À peine le fils connaît-il le père le fils, le frère la sœur le frère. Le chêne voit germer ses glands autour de lui. Il n'en est pas ainsi, des enfants des hommes. Je me rappelais aussi ce que j'ai dit dans ses mémoires de ma dernière visite à Combourg, en partant pour l'Amérique. Deux mondes divers, mais liés par une secrète sympathie, nous occupaient, Madame Récamier et moi. Hélas, ces mondes isolés, chacun de nous les porte en soi. Car où sont les personnes qui ont vécu assez longtemps les unes près des autres pour n'avoir pas des souvenirs séparés? Du château, nous sommes entrés dans le parc. Le premier automne commençait à rougir et à détacher quelques feuilles. Le vent s'abattait par degrés et laissait ouïr un ruisseau qui faisait tourner un moulin. Après avoir suivi les allées qu'elles avaient coutume de parcourir avec Madame de Staël, Madame Récamier a voulu saluer ses cendres. À quelque distance du parc est un taillis mêlé d'arbres plus grands et environné d'un mur humide et dégradé. Ce taillis ressemble à ces bouquets de bois au milieu des plaines que les chasseurs appellent des remises. C'est là que la mort a poussé sa proie et renfermé ses victimes. Un sépulcre avait été bâti d'avance dans ce bois pour y recevoir M. Necker, Mme Necker et Mme de Staël. Quand celle-ci est arrivée au rendez-vous, on a muré la porte de la crypte. L'enfant d'Auguste de Staël est resté en dehors, et Auguste lui-même, mort avant son enfant, a été placé sous une pierre au pied de ses parents. Sur la pierre sont gravées ces paroles tirées de l'écriture « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant dans le ciel ?» Je ne suis point entré dans le bois, Madame Récamier a seule obtenu la permission d'y pénétrer. Resté assis sur un banc devant le mur d'enceinte, je tournais le dos à la France et j'avais les yeux attachés tantôt sur la cime du Mont Blanc, tantôt sur le lac de Genève. Les nuages d'or couvraient l'horizon derrière la ligne sombre du Jura. On eût dit d'une gloire qui s'élevait au-dessus d'un long cercueil. J'apercevais de l'autre côté du lac la maison de Lord Byron, dont le faîte était touché d'un rayon du couchant. Rousseau n'était plus là pour admirer ce spectacle, et Voltaire, aussi disparu, ne s'en était jamais soucié. C'était au pied du tombeau de Madame de Staël que tant d'illustres absents sur le même rivage se présentaient à ma mémoire. Ils semblaient venir chercher l'ombre, leur égale, pour s'envoler au ciel avec elle et lui faire cortège pendant la nuit. Dans ce moment, Madame Récamier, pâle et en larmes, est sortie du bocage funèbre, elle-même comme une ombre. Si j'ai jamais senti à la fois la vanité et la vérité de la gloire et de la vie, c'est à l'entrée du bois silencieux, obscur, inconnu, où dort celle qui eut tant d'éclat et de renom, et en voyant ce que c'est que d'être véritablement aimée. Cette vesprée même, lendemain du jour de mes dévotions aux morts de Copé, fatiguée des bords du lac, je suis allée chercher toujours avec Madame Récamier des promenades moins fréquentées. Nous avons découvert en aval du Rhône une gorge resserrée, où le fleuve coule bouillonnant au-dessous de plusieurs moulins, entre des falaises rocheuses coupées de prairies. Une de ces prairies s'étend au pied d'une colline, sur laquelle, parmi un bouquet d'ormes, est plantée une maison. Nous avons remonté et descendu plusieurs fois en causant cette bande étroite de gazon qui sépare le fleuve brillant du silencieux coteau. Combien est-il de personnes qu'on puisse ennuyer de ce que l'on a été et mener avec soi en arrière sur la trace de ces jours. Nous avons parlé de ces temps, toujours pénibles et toujours regrettés, où les passions font le bonheur et le martyre de la jeunesse. Maintenant j'écris cette page à minuit, tandis que tout repose autour de moi, et qu'à travers ma fenêtre je vois briller quelques étoiles sur les Alpes. Madame Récamier va nous quitter, elle reviendra au printemps, et moi je vais passer l'hiver à évoquer mes heures évanouies, à les faire comparaître une à une, au tribunal de ma raison. Je ne sais si je serai bien impartial et si le juge n'aura pas trop d'indulgence pour le coupable. Je passerai l'été prochain dans la patrie de Jean-Jacques. Dieu veuille que je ne gagne pas la maladie du rêveur. Et puis, quand l'automne sera revenu, nous irons en Italie. Italiam, c'est mon éternel refrain. Genève, octobre 1832. Le prince Louis-Napoléon m'ayant donné sa brochure intitulée « Rêverie politique », je lui ai écrit cette lettre. « Prince, j'ai lu avec attention la petite brochure que vous avez bien voulu me confier. J'ai mis par écrit, comme vous l'avez désiré, quelques réflexions naturellement nées des vôtres et que j'avais déjà soumises à votre jugement. Vous savez, prince, que mon jeune roi est en Écosse, que tant qu'il vivra, il ne peut y avoir pour moi d'autre roi de France que lui. » Mais si Dieu, dans ses impénétrables conseils, avait rejeté la race de Saint-Louis, si les mœurs de notre patrie ne lui rendaient pas l'état républicain possible, il n'y a pas de nom qui aille mieux à la gloire de la France que le vôtre. Je suis, etc., etc., Chateaubriand. Paris, rue d'Enfer, janvier 1833. J'avais beaucoup rêvé de cet avenir prochain que je m'étais fait et auquel je croyais toucher. À la tombée du jour, j'allais vaguer dans les détours de Larve, du côté de Salève. Un soir, je vis entrer M. Berryer. Il revenait de Lausanne et m'apprit l'arrestation de Mme la Duchesse de Berry. Il n'en savait pas les détails. Mes projets de repos furent encore une fois renversés. Quand la mère de Henri V avait cru à des succès, elle m'avait donné mon congé. Son malheur déchirait son dernier billet et me rappelait à sa défense. Je partis sur le champ de Genève, après avoir écrit au ministre. Arrivé dans ma rue d'enfer, j'adressai aux rédacteurs en chef des journaux la circulaire suivante. « Monsieur, arrivé à Paris le 17 de ce mois, j'écrivis le 18 à Monsieur le ministre de la Justice, pour m'informer si la lettre que j'avais eu l'honneur de lui envoyer de Genève le 12 pour Madame la Duchesse de Berry lui était parvenue, et s'il avait eu la bonté de la faire passer à Madame. » Je sollicitais en même temps de M. le garde des Sceaux l'autorisation nécessaire pour me rendre à Blaye auprès de la princesse. M. le garde des Sceaux me voulut bien répondre le 19 qu'il avait transmis mes lettres au président du conseil et que c'était à lui qu'il me fallait adresser. J'écrivis en conséquence le 20 à M. le ministre de la guerre. Je reçois aujourd'hui 22 sa réponse du 21. Il regrette d'être dans la nécessité de m'annoncer que le gouvernement n'a pas jugé qu'il y ait lieu d'accéder à mes demandes. Cette décision a mis un terme à mes démarches auprès des autorités. Je n'ai jamais eu la prétention, monsieur, de me croire capable de défendre seul la cause du malheur et de la France. Mon dessein, si l'on m'avait permis de parvenir au pied de l'auguste prisonnière, était de lui proposer pour l'occurrence la formation d'un conseil d'hommes plus éclairé que moi. Outre les personnes honorables et distinguées qui se sont déjà présentées, j'aurais pris la liberté d'indiquer au choix de madame monsieur le marquis de Pastoret, monsieur l'aîné, monsieur de Villèle, etc., etc. Maintenant, monsieur, écarté officiellement, je rentre dans mon droit privé. Mes mémoires sur la vie et la mort de monsieur le duc de Berry, enveloppés dans les cheveux de la veuve aujourd'hui captive, repose auprès du cœur que Louvel rendit plus semblable à celui d'Henri IV. Je n'ai point oublié cet insigne honneur dont le moment actuel me demande compte et me fait sentir toute la responsabilité. Je suis, monsieur, etc., etc., Chateaubriand. Pendant que j'écrivais cette circulaire aux journaux, j'avais trouvé le moyen de faire passer ce billet à madame la duchesse de Berry. Paris, ce 23 novembre 1832. Madame, j'ai eu l'honneur de vous adresser de Genève une première lettre, en date du 12 de ce mois. Cette lettre, dans laquelle je vous suppliais de me faire l'honneur de me choisir pour l'un de vos défenseurs, a été imprimée dans les journaux. La cause de votre Altesse royale peut être traitée individuellement par tous ceux qui, sans y être autorisés, auraient des vérités utiles à faire connaître. Mais si madame désire qu'on s'en occupe en son propre nom, ce n'est pas un seul homme, mais un conseil d'hommes politiques et de légistes qui doit être chargé de cette haute affaire. Dans ce cas, je demanderai que madame voulût bien m'adjoindre, avec les personnes dont elle aurait fait choix, monsieur le comte de Pastoret, monsieur Haye de Neuville, monsieur de Villèle, monsieur l'aîné, monsieur Royer-Collard, monsieur Pardessus, monsieur Mandarou-Vertamy, monsieur de Vaufrelan. J'avais aussi pensé, madame, qu'on aurait pu appeler à ce conseil quelques hommes d'un grand talent et d'une opinion contraire à la nôtre. Mais peut-être serait-ce les placer dans une fausse position, les obliger à faire un sacrifice d'honneur et de principe dont les esprits élevés et les consciences droites ne s'arrangent pas. Chateaubriand. Vieux soldat discipliné, j'accourais donc pour m'aligner dans le rang et marcher sous mes capitaines. Réduit par la volonté du pouvoir à un duel, je l'acceptais. Je ne m'attendais guère à venir de la tombe du mari, combattre auprès de la prison de la veuve. En supposant que je dusse rester seul, que j'eusse mal compris ce qui convient à la France, je n'en étais pas moins dans la voie de l'honneur. Or, il n'est pas inutile aux hommes qu'un homme s'immole à sa conscience. Il est bon que quelqu'un consente à se perdre pour demeurer ferme à des principes dont il a la conviction, et qui tiennent à ce qu'il y a de noble dans notre nature. Ces dupes sont les contradicteurs nécessaires du fait brutal, les victimes chargées de prononcer le veto de l'opprimé contre le triomphe de la force. On loue les Polonais. Leur dévouement est-il autre chose qu'un sacrifice? Il n'a rien sauvé, il ne pouvait rien sauver. Dans les idées mêmes de mes adversaires, le dévouement sera-t-il stérile pour la race humaine? Je préfère, dit-on, une famille à ma patrie. Non, je préfère au parjure la fidélité à mes serments, le monde moral à la société matérielle. Voilà tout. Pour ce qui est de la famille, je ne m'y consacre que dans la persuasion qu'elle était essentiellement utile à la France. Je confonds sa postérité avec celle de la patrie, et lorsque je déplore les malheurs de l'une, je déplore les désastres de l'autre. Vaincu, je me suis prescrit des devoirs, comme les vainqueurs se sont imposés des intérêts. Je tâche de me retirer du monde avec ma propre estime. Dans la solitude, il faut prendre garde au choix que l'on fait de sa compagne. En France, pays de vanité, aussitôt qu'une occasion de faire du bruit se présente, une foule de gens la saisissent. Les uns agissent par bon cœur, les autres par la conscience qu'ils ont de leur mérite. J'eus donc beaucoup de concurrents. Ils sollicitèrent ainsi que moi, de madame la duchesse de Berry, l'honneur de la défendre. Du moins, ma présomption à m'offrir pour champion à la princesse était un peu justifiée par d'anciens services. Si je ne jetais pas dans la balance l'épée de Brennus, j'y mettais mon nom. tout peu important qu'il est, il avait déjà remporté quelques victoires pour la monarchie. J'ai ouvert mon mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry par une considération dont je suis vivement frappé. Je l'ai souvent reproduite, et il est probable que je la reproduirai encore. On ne cesse, disais-je, de s'étonner des événements. Toujours on se figure d'atteindre le dernier. Toujours la révolution recommence. Ceux qui, depuis 40 années, marchent pour arriver au terme, gémissent. Ils croyaient s'asseoir quelques heures au bord de leur tombe. Vain espoir, le temps frappe ces voyageurs, pantelants, et les force d'avancer. Que de fois, depuis qu'ils cheminent, la vieille monarchie est tombée à leurs pieds. À peine échappés à ces écroulements successifs, ils sont obligés d'en traverser de nouveau les décombres et la poussière. Quel siècle verra la fin du mouvement ? La Providence a voulu que les générations de passage, destinées à des jours immémorés, fussent petites, afin que le dommage fût de peu. Aussi voyons-nous que tout avorte, que tout se dément, que personne n'est semblable à soi-même et n'embrasse toute sa destinée, qu'aucun événement ne produit ce qu'il contenait et ce qu'il devait produire. Les hommes supérieurs de l'âge qui expirent s'éteignent. Auront-ils des successeurs ? Les ruines de Palmyre aboutissent à des sables. De cette observation générale, passant aux faits particuliers, j'expose dans mon argumentation qu'on pouvait agir avec Madame la Duchesse de Berry par des mesures arbitraires, en la considérant comme prisonnière de police, de guerre, d'État, ou en demandant aux chambres un bill d'attender, qu'on pouvait la soumettre à la compétence des lois, en lui appliquant la loi d'exception Bricqueville ou la loi commune du Code, qu'on pouvait regarder sa personne comme inviolable et sacrée. Les ministres soutenaient la première opinion, les hommes de Juillet la seconde, les royalistes la troisième. Je parcours ces diverses suppositions. Je prouve que si Madame la Duchesse de Berry était descendue en France, elle n'y avait été attirée que parce qu'elle entendait les opinions demander un autre présent, appeler un autre avenir. Infidèle à son extraction populaire, la Révolution sortie des journées de Juillet a répudié la gloire et courtisé la honte. Excepté dans quelques cœurs dignes de lui donner asile, la liberté devenue l'objet de la dérision de ceux qui en faisaient leur cri de ralliement, cette liberté que des bateleurs se renvoient à coups de pied, cette liberté étranglée après flétrissure au tourniquet des lois d'exception, transformera par son anéantissement la Révolution de 1830 en une cynique duperie. Là-dessus, et pour nous délivrer tous, Madame la Duchesse de Berry est arrivée. La fortune l'a trahi, un juif l'a vendu, un ministre l'a acheté. Si l'on ne veut pas agir contre elle par mesure de police, il ne reste plus qu'à la traduire en cour d'assises. Je le suppose ainsi, et j'ai mis en scène le défenseur de la princesse. Puis, après avoir fait parler le défenseur, je m'adresse à l'accusateur. « Avocat, levez-vous. Établissez doctement que Caroline Ferdinande de Sicile, veuve de Berry, nièce de feu Marie-Antoinette d'Autriche, veuve Capet, est coupable de réclamation envers un homme réputé oncle et tuteur d'un orphelin nommé Henri, lequel oncle et tuteur serait, selon le dire calomnieux de l'accusé, détenteur de la couronne d'un pupille, lequel pupille prétend impudemment avoir été roi depuis le jour de l'abdication du ci-devant Charles X et de l'ex-dauphin jusqu'au jour de l'élection du roi des Français. À l'appui de votre plaidoirie, que les juges fassent comparaître d'abord Louis-Philippe comme témoin à charge ou à décharge, si mieux n'aime se récuser comme parent. Ensuite, que les juges confrontent avec l'accusé le descendant du grand traître. Que l'Iscariote, en qui Satan était entré, entre Awit Satanas et Nioudam, dise combien il a reçu de deniers pour le marché, etc., etc. Puis, d'après l'expertise des lieux, il sera prouvé que l'accusé a été pendant 6 heures à la géhenne du feu, dans un espace trop étroit où 4 personnes pouvaient à peine respirer, ce qui a fait dire contumélieusement à la torturée qu'on lui faisait la guerre à la Saint-Laurent. Or, Caroline Ferdinande, étant pressée par ses complices contre la plaque ardente, le feu aurait pris 2 fois à ses vêtements, et à chaque coup que les gendarmes portaient en dehors à l'âtre embrasé, la commotion se serait étendue au cœur de la délinquante et lui aurait fait vomir des bouillons de sang. Puis, en présence de l'image du Christ, on déposera comme pièce de conviction sur le bureau la robe brûlée, car il faut qu'il y ait toujours une robe jetée au sort dans ces marchés de Judas. Madame la duchesse de Berry a été mise en liberté par un acte arbitraire du pouvoir et lorsqu'on a cru l'avoir déshonorée. Le tableau que je traçais de la plaidoirie fit sentir à Philippe l'odieux d'un jugement public et le détermina à une grâce à laquelle il pensait avoir attaché un supplice. Les païens, sous le règne de Sévère, jetèrent aux bêtes une jeune femme chrétienne nouvellement délivrée. Ma brochure, dont il ne reste aujourd'hui que des phrases, a eu son résultat historique important. Je m'attendris encore en copiant l'apostrophe qui termine mon écrit, c'est, j'en conviens, une folle dépense de larmes. Illustre captive de Blaye, madame, que votre héroïque présence sur une terre qui se connaît en héroïsme amène la France à vous répéter ce que mon indépendance politique m'a acquis le droit de vous dire. Madame, votre fils est mon roi. Si la Providence m'inflige encore quelques heures, verrai-je vos triomphes après avoir eu l'honneur d'embrasser vos adversités? Recevrai-je ce loyer de ma foi? Au moment où vous reviendriez heureuse, j'irai avec joie achever dans la retraite des jours commencés dans l'exil. Hélas, je me désole de ne pouvoir rien pour vos présentes destinées. Mes paroles se perdent inutilement autour des murs de votre prison. Le bruit des vents, des flots et des hommes au pied de la forteresse solitaire ne laissera pas même monter jusqu'à vous ces derniers accents d'une voix fidèle. Paris, mars 1833. Quelques journaux ayant répété la phrase « Madame, votre fils est mon roi » ont été traduits devant les tribunaux pour délit de presse. Je me suis trouvé enveloppé dans la poursuite. Cette fois, je n'ai pu décliner la compétence des juges. Je devais essayer de sauver par ma présence les hommes attaqués pour moi. Il y allait de mon honneur de répondre de mes œuvres. De plus, la veille de mon appel au tribunal, le moniteur avait donné la déclaration de Madame la Duchesse de Berry. Si je m'étais absenté, on aurait cru que le parti royaliste reculait, qu'il abandonnait l'infortune et rougissait de la princesse dont il avait célébré l'héroïsme. Il ne manquait pas de conseillers timides qui me disaient « Faites défaut, vous serez trop embarrassé avec votre phrase « Madame, votre fils est mon roi ».« Je la crierai encore plus haut », répondis-je. Je me rendis dans la salle même où jadis était installé le tribunal révolutionnaire, où Marie-Antoinette avait comparu, où mon frère avait été condamné. La révolution de juillet a fait enlever le crucifix dont la présence, en consolant l'innocence, faisait trembler le juge. Mon apparition devant les juges a eu un effet heureux. Elle a contrebalancé un moment l'effet de la déclaration du moniteur et maintenu la mère de Henri V au rang où sa courageuse aventure l'avait placée. On a douté quand on a vu que le parti royaliste osait braver l'événement et ne se tenait pas pour battu. Je n'avais point voulu d'avocat, mais M. Ledru, qui s'était attaché à moi lors de ma détention, a voulu parler. Il s'est troublé et m'a fait beaucoup de peine. M. Berryer, qui plaidait pour la quotidienne, a pris indirectement ma défense. À la fin des débats, j'ai appelé le jury la pairie universelle, ce qui n'a pas peu contribué à notre acquittement à tous. Rien de remarquable n'a signalé ce procès dans la terrible chambre qui avait retenti de la voix de Fouquier-Tinville et de Danton. Il n'y a eu d'amusant que l'argumentation de M. Persil. Voulant démontrer ma culpabilité, il citait cette phrase de ma brochure « Il est difficile d'écraser ce qui s'aplatit sous les pieds » et il s'écriait « Sentez-vous, messieurs, tout ce qu'il y a de méprisant dans ce paragraphe. Il est difficile d'écraser ce qui s'aplatit sous les pieds » et il faisait le mouvement d'un homme qui écrase sous ses pieds quelque chose. Il recommençait, triomphant, les rires de l'auditoire recommençaient. Ce brave homme ne s'apercevait ni du contentement de l'auditoire à la malencontreuse phrase, ni du ridicule parfait dont il était en trépignant dans sa robe noire, comme s'il eût dansé, en même temps que son visage était pâle d'inspiration et ses yeux hagards d'éloquence. Lorsque les jurés rentrèrent et prononcèrent « non coupable », des applaudissements éclatèrent. Je fus environné par des jeunes gens qui avaient pris pour entrer des robes d'avocat. M. Carrel était là. La foule grossit à ma sortie. Il y eut une rixe dans la cour du palais, entre mon escorte et les sergents de ville. Enfin, je parvins à grand-peine chez moi, au milieu de la foule qui suivait mon fiacre en criant « Vive Chateaubriand !» Dans un autre temps, cet acquittement eût été très significatif. Déclarer qu'il n'était pas coupable de dire à la duchesse de Berry « Madame, votre fils est mon roi », c'était condamner la révolution de juillet. Mais aujourd'hui, cet arrêt ne signifie rien parce qu'il y a, en toute chose, ni opinion, ni durée. En 24 heures, tout est changé. Je serai condamné demain pour le fait sur lequel j'ai été acquitté aujourd'hui. Je suis allé mettre ma carte chez les jurés, et notamment chez M. Chevet, l'un des membres de la pairie universelle. Il avait été plus aisé à l'honnête citoyen de trouver dans sa conscience un arrêt en ma faveur qu'il ne m'eût été facile de trouver dans ma poche l'argent nécessaire pour joindre au bonheur de l'acquittement le plaisir de faire chez mon juge un bon dîner. M. Chevet a prononcé avec plus d'équité sur la légitimité, l'usurpation et sur l'auteur du génie du christianisme que beaucoup de publicistes et de censeurs. Paris, avril 1833. Le mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry m'a valu dans le parti royaliste une immense popularité. Les députations et les lettres me sont arrivées de toutes parts. J'ai reçu du nord et du midi de la France des adhésions couvertes de plusieurs milliers de signatures. Elles demandent toutes, en se référant à ma brochure, la mise en liberté de Madame la Duchesse de Berry. 1500 jeunes gens de Paris sont venus me complimenter, non sans un grand émoi de la police. J'ai reçu une coupe de vermeil avec cette inscription à Châteaubriant, les Villeneuvois fidèles, Lot-et-Garonne. Une ville du Midi m'a envoyé de très bons vins pour remplir cette coupe, mais je ne bois pas. Enfin, la France légitimiste a pris pour devise ces mots « Madame, votre fils est mon roi ». Et plusieurs journaux les ont adoptés pour épigraphes. On les a gravés sur des colliers et sur des bagues. Je serai le premier à avoir dit en face de l'usurpation une vérité que personne n'osait dire. Et chose étrange, je crois moins au retour de Henri V que le plus misérable juste-milieu ou le plus violent républicain. Au reste, je n'entends pas le mot « usurpation » dans le sens étroit que lui donne le parti royaliste. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce mot comme sur celui de légitimité. Mais il y a véritablement usurpation, et usurpation de la pire espèce, dans le tuteur qui dépouille le pupille et proscrit l'orphelin. Toutes ces grandes phrases qu'il fallait sauver la patrie sont des prétextes que fournit à l'ambition une politique immorale. Vraiment, ne faudrait-il pas regarder la lâcheté de votre usurpation comme un effort de votre vertu? Seriez-vous par hasard Brutus sacrifiant ses fils à la grandeur de Rome? J'ai pu comparer dans ma vie la renommée littéraire à la popularité. La première, pendant quelques heures, m'a plu, mais cet amour de renommée a passé vite. Quant à la popularité, elle m'a trouvé indifférent parce que, dans la Révolution, j'ai trop vu d'hommes entourés de ces masses qui, après les avoir élevés sur le pavois, les précipitaient dans l'égout. Démocrate par nature, aristocrate par mœurs, je ferais très volontiers l'abandon de ma fortune et de ma vie au peuple, pourvu que j'eusse peu de rapport avec la foule. Toutefois, j'ai été extrêmement sensible au mouvement des jeunes gens de juillet qui me portèrent en triomphe à la Chambre des Pairs. C'est qu'ils ne m'y portaient pas pour être leur chef, et parce que je pensais comme eux. Ils rendaient seulement justice à un ennemi. Ils reconnaissaient en moi un homme de liberté et d'honneur. Cette générosité me touchait. Mais cette autre popularité que je viens d'acquérir dans mon propre parti ne m'a pas causé d'émotion. Entre les royalistes et moi, il y a quelque chose de glacé. Nous désirons le même roi. À cela près, la plupart de nos vœux sont opposés. Fin de la section 7.